fait un MP3, on a rien fait, ils ont fait un MP3. Basse, qui est vocal. Mais il chante, Torben. Do do do do do do. Thank you.

One day I was singing the songs. Nobody knew how it was gonna end. Then this little motherfucker came on with his little auto-tune. Everybody was like, what the fuck? But in the end it all turned out really well, because we all got it going together, you know. We got it grooving, we got it jamming, we got it going. Then there was this little motherfucker on the auto-tune. He was trying to crowd the room, you know, crowd the mic, crowd the audio. But then again, if you turn it down just a little bit and create a bit with the other vocalists, everything might turn out great. That's what we're gonna try and do now. Synchro. Okay, many drums. Mm-hmm. Mama. Ouais. Est-ce qu'elle est un peu... Manu, essaye de mettre un truc moins riche pour... Coma, il a un bon riff, là. Peut-être un truc un peu plus allégé. Pour sa guitare, là. Play, Coma. La guitare. Ouais. Tu sais un truc sur Coma là. On va changer de tempo, je pense. Once I do want a party. Ça va trop vite là. Tempo. C'est juste ce qu'il fait, mais. Mais merde, il l'a fait plus. Attends. Vas-y, c'est comme un truc comme ça. C'était joli ce que tu faisais, Coma. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'est pas calé. 4, ah, si ça va mieux, pardon. Ah, mais attends, j'ai muté la batterie moi. Manu, t'as un truc? Essayer un truc, moi. Et 110, ça va faire rapide, non? Attends, je règle, hein. Attends, faut que je... J'arrive pas. J'arrive pas à synchroniser ce truc. Il doit certainement être manuel. Je découvre Reaper. Ah, ça me fait chier ça. Ouais, c'est K. Ouais, j'ai mon 200. KKD. KKDDMM. Mort volume. C'est un peu lent, c'est bien. pas forcément partir sur un. C'était au groove. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Je vous avais posé cette question. Thank you. Moi j'ai 4,8 et 24 millisecondes. Balance. petite pause, moi. J'ai passé un petit gâteau au chocolat. Je vais faire une pause café avec un bon morceau de gâteau au chocolat. C'est bon tout ça. Oui, je vais faire un petit pause café. Je vais monter dans mon salon. Je vais poser la basse, merci coma. C'est joli ce que tu fais, enfin tout le monde quoi. On a réussi enfin à synchroniser. Oh, c'est la boîte de jazz. Oh, je prends mon instrument. J'oublie tous mes soucis. Et ça, c'est bon dans la vie. Puisqu'après je pars dans les Alpes avec toute famille.